Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Daniel. Pascal, évidemment, on va regarder ce qui s'est passé dans la NBA au cours du week-end. Les Raptors, c'est 1-1. Dans la série, ils vont jouer à Orlando ce soir. Mais avant, on va parler également des autres séries, entre autres les Warriors de Golden State qui se sont rachetés hier. Mais avant, Pascal, ouais. J'ai deux, trois petites affaires que je veux te parler. Je veux te parler de ce qui s'est passé. Les Canadiens vont pas jouer à Québec cette année. Est-ce que les Raptors, je sais que ça n'arrivera pas, là, mais je te lance ça comme idée comme ça. Ça serait-il possible un jour d'avoir les Raptors à Québec? Mais c'est trop... Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? L'infrastructure est là. Si je ne me trompe pas, les Globetrotters ont joué là-bas. Mais je ne sais pas s'ils ont joué dans l'amphithéâtre Vidéotron ou au Rouge et Or. Tu comprends? Okay. Parce qu'au Rouge et Or, tu peux mettre comme 5 ou 6 000 personnes. Je vois pas pourquoi, parce que malheureusement, il n'y a pas de hockey, puis malheureusement pour les gens de la ville de Québec, mais c'est quand même un amphithéâtre moderne, capable de recevoir un match NBA, selon moi. Là. Ouais. Je sais pas s'ils ont un terrain de basket. Ça, Danny, je pourrais pas te le dire. Ça fait partie des critères pour avoir mais un match. Mais ça se loue, j'imagine, ça? Ben, c'est pas évident, là. C'est pas évident, puis ça voudrait dire que Vidéotron devrait demander à Bell, c'est ça, ou le centre Bell, leur terrain, marquer Bell dessus. Il n'y a pas une chicane entre Bell. Peut-être que centre Bell va dire, nous, on ne te passe pas notre terrain, tu ne nous passes pas le TVA Sport. Ouais. Anyway, je pense qu'on va venir sur nos affaires de basketball, Danny, mais c'est sûr que c'est une amphithéâtre capable de recevoir un match NBA. OK. C'est parce que quelque part, Pascal, c'est parce qu'ils ont déjà été à Winnipeg. Ils n'ont pas juste été dans une petite ville, Toronto, où les Raptors. En passant, les Canadiens ne vont pas jouer là-bas. Ça s'est fait quand, ça? C'est annoncé hier. Tu trouves pas ça bizarre? Ben moi, entre autres, ça pourrait peut-être dire que... Mais ça avait fait son temps. Je pense que ça avait fait son temps, les matchs à Québec du Canadien. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est peut-être un lien... Je sais pas si ça a un lien avec la guerre Vidéotron Bell ou encore le Canadien. Je sais qu'ils vont jouer au Nouveau-Brunswick à la place. Mais on s'entend des soufflements aussi. Est-ce que le Canadien est un... est-ce que le Bell est un gros commanditaire des Canadiens de Montréal? Ben oui. Même si on veut passer à côté, Danny, il y a peut-être des décisions qui se font basées sur plein de choses. Hein? Peut-être. Mais est-ce que les Raptors, tu me dis que c'est... Mais ça se louerait-tu? Oui. Ah non, je pense qu'il y a vraiment une présence d'amateurs de basketball dans la ville de Québec. Il y a un nombre de personnes... capable de remplir le stade certain à 20 000. Je ne sais pas c'est quoi la capacité du centre Vidéotron. Mais certains sont capables de le remplir. Tu parles des Raptors, mais ça pourrait être un match. Ça pourrait être Los Angeles contre les Clippers, exemple. LA contre Clippers. Mais c'est parce que les Raptors ont le territoire, le Toronto. Tu peux pas se faire comme à Montréal. C'est arrivé seulement qu'une fois que les Celtics, c'est des Timberwolves. Non, mais c'est pas autant territoire que distance parce que. La NBA, ils ont coupé les matchs pré-saison. Ils commencent la saison plus bonne heure pour donner plus un repos aux joueurs. Ouais. Pour qu'il y ait moins de matchs, comme tu sais, des affaires de 3 matchs en 5 soirs. Ça veut dire qu'on va en avoir 2-1 à côté de l'autre. Fait qu'en commençant la saison plus tôt et en coupant les matchs pré-saison, on a éliminé beaucoup de journées où les joueurs, on doit jouer 2 matchs un après l'autre, 2 jours consécutifs. Et ce qui se passe, c'est que ça dépend où les équipes vont en training camp, en camp d'entraînement. Okay. Souvent, les Raptors, ils vont à Vancouver. C'est pour ça qu'on les a pas ici, tu comprends? Parce qu'ils vont à Vancouver, ils vont jouer 1 ou 2 matchs à Vancouver, ils vont venir à Toronto. C'est pour ça que je te dis, ça pourrait être les Knicks, ça pourrait être les Nets, ça pourrait être même Philadelphie, dépendamment où ils font leur camp d'entraînement, qui pourraient venir jouer ici. Mais je vois plus les Celtics tant qu'à ça. Boston, il y a une affinité avec le Québec. Oui, Boston, mais Philadelphie aussi. Là, ouais. Je pense que Philadelphie attirait beaucoup de monde. Danny, il c'est ce joueur vedette. Ouais. Hey, Pascal, les Raptors, dans le cadre du premier match, je me rappelle bien, c'était une victoire, 9 défaites, les Raptors, lors du premier match à Toronto, du premier match éliminatoire, ils se sont bien repris. Kyle Lowry, c'est qui se passe avec. C'est ça, Danny. J'attendais que tu finisses un peu ta question pour te dire, écoute, la clé. Défaite, Kyle Lowry, 0 point. Victoire, Kyle Lowry, je ne sais pas contre qui fini, mais il a joué comme Kyle Lowry est supposé jouer. Mm. Quand tu fais presque 30 millions par année, tu es supposé de performer. Puis je pense que c'est mental de son côté. Mais si Toronto a une chance de se rendre en finale de l'Est et peut-être même en finale NBA, pour moi, la différence, c'est Kyle Lowry. Je pense que Nick Nurse, c'est un entraîneur qui a pas nécessairement l'expérience des séries comme entraîneur-chef. Je pense que le match numéro un, Kyle Lowry a mal joué et je pense qu'on n'a pas, gardé Serge Ibaka assez longtemps sur le terrain au niveau défensif. Ouais. Parce que si tu viens bien du match numéro un, on a réussi, Augustine des Magic. Ah, il était vraiment en feu, lui. Oui, il était en feu, mais on a réussi un titre de 3 points sur un écran enroulé. Où Marc Gasol, il savait, Augustine, a pas sorti pour mettre de la pression sur lui. Il est resté plus en dessous du panier au niveau défensif, tu comprends? Mm. Fait que c'est un Serge Ibaka qui est beaucoup plus rapide. Donc, Nick Nurse doit comprendre ce qu'il y a à faire dans les séries. Et t'as besoin de c'est vraiment la défense, surtout en fin de match, quand c'est un match serré, qui fait la différence. Et Marc Gasol, aussi bon qu'il peut être et expérimenté, n'est pas le même type de joueur défensif que Serge Ibaka en ce qui est maintenant. Ouais. Je pense que Nick Nurse doit s'assurer de mieux faire les choses, mais moi, je m'attends pas à ce que les Magic gagnent un autre match. Là. Je m'attends à ce que ça continue, puis je m'attends à ce que Kyle Lowry doit être constant dans ses performances, match en match, dans les séries, et donner au moins un 15 points, 5 à 6, c'est ça. 5 rebonds aux Raptors là, pour qu'ils soient capables de se rendre. Mais il y a une fragilité là, c'est quelque chose qu'on aura la chance d'en parler. Mais c'est important, là, surtout en deuxième et troisième ronde, les performances de Lowry. On s'en souvient l'année passée, c'était Lowry et DeMar DeRozan. Il y en a un qui jouait bien, l'autre qui jouait pas bien. Tu sais, fait que c'est un petit peu mental. Fait que ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer parce que Kawhi Leonard, je pense qu'il est toujours prêt à jouer. Ah, il est en feu, lui. Pascal Siakam est toujours prêt à jouer. Serge Ibaka, les autres sont prêts là, pour les séries. Là. Ouais. Je pense que Kyle Lowry se met beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules. Mais tu me dis ça, là, mais... Tu sais, quelque part, Pascal, Kyle Lowry, si jamais les Raptors seraient éliminés, ils vont pas loin. Tu sais, l'année passée, c'était DeRozan. C'est fini. Hein? Mais à l'âge qu'il est rendu, puis le salaire qu'il commande, est-ce qu'il va être échangeable? Je pense que oui. Je pense qu'il va être échangeable ou on va l'acheter. Là. Je ne me souviens pas comment Danny qui reste sur son compte. Peut-être en rester peut-être deux. Parce que des fois, tu prends un joueur comme lui, puis tu sais que c'est de l'argent qui va sortir de tes livres l'année d'après, quelque chose comme ça. Fait que ça se peut qu'il soit... Tu es capable de l'échanger, tu sais. Mais les attentes sur Kyle Lowry sont très, très, très importantes en ce moment. OK. Maintenant, on va y aller avec... mais tu dis que le Magic, les Raptors devraient balayer... Le Magic devrait plus en gagner d'autres. Je suis pas sûr, mais le Magic à Orlando, écoute, ils ont gagné leurs 9 derniers matchs à domicile. Pas contre les Raptors en première ronde, Danny. Ouais. M'excuse, là, Augustine, Aaron Gordon, il n'y a pas de... c'est une belle équipe en devenir, mais ils sont pas là. Là. Okay. Si Toronto a de la misère à passer à travers les Magic d'Orlando, je m'excuse, de ça, on va perdre dans la deuxième ronde. Là. Ça n'a aucun sens. Là. La deuxième ronde va être très, très, très difficile d'aller. Okay, on parle de Boston, potentiellement Philadelphie. Ouais. Okay. Potentiellement Milwaukee avec Toronto. Là, ça devient un autre game. C'est quasiment des finales ça, en deuxième ronde. Là. Ouais. On va y aller avec l'autre série. Moi, avant de parler de l'Est, je veux savoir ce qui s'est passé dans l'Ouest. Golden State, ils menaient 31 points au troisième quart, ils menaient par 31, ils l'ont échappé. Par contre, ils se sont bien repris. Heureusement. Là. Mais écoute, je pense que ça a été peut-être un réveil pour eux autres de prendre ça plus sérieusement. Là, ouais. Parce que eux autres, c'est juste la finale. Là. Ce match-là, pour moi, n'enlève rien du tout à peut-être un petit peu d'invincibilité de cette équipe-là. Là. On sait qu'ils sont peut-être fragiles, La pire chose qui est arrivée dans ce match, Danny, c'est qu'on a perdu de Marcus Cousins pour le reste des séries. Oui, c'est vrai, ça. C'est la pire chose qui est arrivée dans ce match. Mm. C'est pas que tu mènes par 31. Ça veut dire que tu mènes par 31, tu joues bien. Mm. Tu sais, on a critiqué Kevin Durant de Power. Kevin Durant, il dit, garde, on menait par 31, j'avais pris 5 shots. C'est que j'en prenne 2 de plus, là, ça change pas grand chose. Tu veux dire? Ouais. Et je pense que même Steve Kerr est à blâmer, les joueurs sont à blâmer. On perd de Marcus Cousins, ça nous dérange un petit peu. On a une assurance avec Andrew Bogut qu'on a re-signé vers la fin de l'année, qui joue en Australie cette année, qui est revenu. Fait qu'on leur a donné une présence défensive. Mais entre nous deux, Danny, là, tant que Curry, Thompson, Green, puis Kevin Durant, c'est une montagne quand même. Là. Mais je trouve ça plate pour DeMarcus Cousins, un joueur que moi j'aime beaucoup, qui a pris un an sans jouer avec sa blessure à son pied. Il là revient et vraiment est prêt à les séries. Tu avais 5 joueurs étoiles sur le starting five. Et il se blesse en courant après le ballon. C'est vraiment dommage ce qui est arrivé. C'est une blessure que je m'attends pas à ce qu'il soit prêt à jouer avant septembre. Tu sais. OK. Maintenant, ce match-là a juste démontré la saison que les Clippers ont eue. Les Clippers, cette année, je pense que c'est une des équipes dans la NBA qui souvent ils perdaient par 20, 15, 20, 25 points, puis ils revenaient puis gagnaient le match. Mm. C'est une équipe qui va toujours se batailler, puis c'est une équipe qui va toujours... ils vont jouer jusqu'à la fin avec Doc Rivers. Fait que les Clippers, c'est une belle histoire parce qu'ils ont échangé leurs meilleurs marqueurs. Ils ont fait plein de choses. Personne ne s'attendait qu'ils fassent les séries. Puis finalement, ils se débrouillent bien, mais je pense pas qu'ils vont... Même chose que les Magic. C'est une belle histoire, là, mais ça va finir là. Ouais. Warriors, je m'attends pas à ce que les Clippers gagnent un autre match dans cette série. OK. Les Bucks de Milwaukee, il y avait une petite... Ben, c'est parce qu'on disait qu'ils sont pas habitués de gagner c'est une jeune équipe pareil. Les Pistons de Détroit n'ont pas trop de misère à date. Non, ben écoute, c'est la première fois, je pense, depuis 2000 que Milwaukee gagne 2 matchs consécutifs dans les séries. Là. Ouais. Mais tout le monde parle d'eux autres potentiellement qui pourraient se rendre en finale NBA. Là. Fait que c'est sûr que c'est bon pour eux autres de prendre cette expérience-là. Faut pas oublier que les matchs contre Détroit, malheureusement pour Détroit, Blake Griffin est blessé. Mm. Je pense qu'il va probablement jouer le match à Détroit. Match numéro 3, mais les deux premiers matchs qui contre Milwaukee, il est assis sur le banc. Ouais. Fait que c'est sûr que t'as le meilleur joueur de l'adversaire qui ne joue pas en série, ça l'aide pas beaucoup, là. Mais je pense pas que la grandeur, la structure de Milwaukee, là, c'est une équipe faite à, je pense qu'ils ont battu les deux matchs à Milwaukee et à Golden State cette année contre les Warriors, fait que, c'est pour ça que tout le monde dit qu'ils ont une chance de battre les Warriors. Si une équipe peut battre les Warriors, ça serait eux autres. Moi, je dirais que Houston a aussi une chance de battre les Warriors. Ils ont tout pour battre les Warriors. Mais du côté de Milwaukee, là, ça va être une première ronde, selon moi, facile. OK. Dis-moi, San Antonio-Denver, qui est probablement la meilleure série dans l'Ouest de la première ronde. Ben écoute, les équipes de Greg Popovich puis les séries, ouais. lui a l'expérience, lui est habitué. Mm. Là, on se retrouve 2-1. Denver qui a connu une saison spectaculaire. Si je me trompe pas, Danny, dans l'équipe de Denver, incluant l'entraîneur, au niveau comme entraîneur-chef, là, parce qu'il a déjà participé à des équipes dans les séries, Mike Malone, mais comme entraîneur-chef, c'est la première fois. Il y a 3 joueurs dans l'équipe qui ont joué quelques matchs dans les séries. Le reste n'a jamais joué dans les séries. Là, on a l'avantage de la saison du terrain. Mais les Spurs ont cherché le premier match. Le deuxième match, les Spurs menaient par 15 ou même 19. Mais Denver, au quatrième quart, est revenu dans le match avec notre Canadien, qui je considère est le meilleur joueur canadien dans la NBA en ce moment, Jamal Murray, qui a vraiment connu un quatrième quart avec 3 quarts d'année. Là, il y avait 0 point, je pense, au quatrième quart. Il a fini avec 30 points. Là. Mais... on a quand même perdu le troisième match, donc la série se trouve 2-1 en ce moment pour les Spurs avec match numéro 4 à San Antonio. Fait que si Denver gagne cette série-là, Danny, là, ça va prendre beaucoup, beaucoup. Mais c'est phénoménal parce que pendant cette année, on disait, est-ce que c'est la première année que Popovich fera pas les séries? Puis tu sais quoi? Il est là, puis il risque de se retrouver en deuxième ronde. Fait que chapeau. C'est un des bons instructeurs de tout ce qu'il est considéré en ce moment comme le meilleur instructeur de la NBA. Ouais. Puis un des meilleurs entraîneurs chefs dans l'histoire du sport en Amérique du Nord, selon moi. Ben, avec, tout, sport, Tout sport, tout inclus. Ça ne battra pas Bill, mais Bill Belichick, en tout cas. Hey, Pascal, il y a quand même 5 championnats. Il y a quand même 5 championnats NBA, Greg Popovich, comme entraîneur en chef. Mais Bill, le 6, puis toute l'histoire. Oui, c'est sûr que Bill, c'est Bill, mais ouais. Les gens, c'est impressionnant. N'oublie pas que ça fait 20 ans qu'il est avec l'organisation des Spurs. Effectivement. Hey, dis-moi, on va y aller maintenant avec du côté des Lakers. Il se passe quoi là? Luke Walton ne sera pas de retour. Immédiatement parce qu'on a enregistré notre podcast, c'est annoncé quelque part une demi-heure après, je pense. Qui tu vois diriger les Lakers? On va y aller. Premièrement, Luke Walton avec Rob Pelinka, qui est le directeur général en ce moment, qui est avec Magic Johnson, avec Danny Boss, ont pris la décision de ne pas garder Luke Walton. Luke Walton a dit merci. Et quand il est arrivé dans le stationnement, il avait reçu un téléphone des Kings de Sacramento qui l'a engagé comme entraîneur-chef. Ouais. Pour Luke Walton, il n'a pas été sous chômage bien, bien longtemps. Okay. Je pense qu'on parle d'une période de 15 minutes entre dire merci, entre se faire remercier et après ça, se faire engager. Hmm. Maintenant, du côté des Lakers, en ce moment, si je me trompe pas, Tyronn Lue, ancien des Cavaliers, va faire une entrevue avec les Lakers pour la position d'entraîneur-chef. L'ancien gars de LeBron, donc peut-être qu'il y a des grosses chances que... L'entraîneur-chef qui est avec LeBron. Ouais. Monty Williams, pour dire il était quand même avec l'équipe olympique dont LeBron a fait partie. Monty Williams est un entraîneur très respecté. Il est entraîneur-chef avec les Nouvelle-Orléans. Il a arrêté. Son épouse est morte dans un accident très, très, très tragique, un accident de voiture il y a quelques années. Mm. Il avait pris une pause et les Spurs, Greg Popovich, il avait simplement dit, regarde, viens-t'en, t'as un job avec nous autres. Fait qu'il était dans au niveau du management qu'on appelle. Et puis après ça, là en ce moment, il est avec le staff. Si je me trompe pas, Monty Williams, avec le staff des 76ers. À Philadelphie avec Brett Brown. Fait qu'on voit la relation avec les Spurs. Le Brett Brown qui est un ancien des Spurs. Les Sixers ont donné permission aux Lakers de parler avec Monty Williams. Donc, pour moi, lui, c'est quand même quelqu'un avec de l'expérience comme entraîneur-chef. Et le troisième, qui était assistant entraîneur pendant très longtemps avec le Heat de Miami, donc tous les années de LeBron James, qui est Juwan Howard, qui a pas d'expérience comme entraîneur-chef, mais qui est sur la liste pour plein de raisons. Donc, là, on parle de trois personnes, dont Tyronn Lue, Juwan Howard, qui a un lien très, très, très, très direct de LeBron James et Monty Williams qui a pas la même relation avec LeBron, mais qui est respecté par LeBron James. Ça, on le sait. Mm. Fait que c'est trois que, tu sais, il faut pas se mentir, là. Ils vont pas engager quelqu'un si LeBron n'a pas nécessairement qui dit pas le OK, là. Il reste 3 ans sur son contrat. Fait que, je vois pas ça comme contrôler l'équipe. Si t'es propriétaire d'une organisation, tu vas avoir quelqu'un qui va faire le boulot avec ta vedette. Tu veux être sûr que la relation entre un entraîneur et un joueur est importante, surtout ton joueur vedette. Oui. Là, avant de rentrer en onde, tu me disais que tu ne serais même pas surpris que Masai Ujiri s'en aller là comme président. Mais là, on doit remplacer un peu Magic Johnson. On a un directeur général. Ça prend un gros nom. À Los Angeles, c'est un gros nom. Ça prend un gros nom. Ça prend quelqu'un qui a fait ses preuves. Et j'ai vu passer le nom de Masai Ujiri sur les listes. Est-ce que Toronto a donné permission aux Lakers de parler à Masai Ujiri pour remplacer Magic Johnson? Oublie pas que Magic Johnson faisait un salaire annuel de 10 millions comme président. Masai Ujiri fait peut-être 5 millions à Toronto. Ouais. Daryl Morey, qui est considéré le meilleur dans la NBA, est à 8 millions. Mm. Et du côté de Los Angeles, on doit toujours aller chercher la crème. Et Los Angeles fait tellement d'argent. Comparer ça un peu avec les Canadiens, là, c'est probablement plus du côté de Los Angeles avec les droits de télé, tout ça. Oui. Qui sont capables d'offrir à Masai Ujiri 10, 12 millions par année. Ouais. L'argent et la location vont faire réfléchir quelqu'un, Danny. Parce que, on se retourne pas d'histoire, le Masai, si jamais les Raptors vont pas loin, c'est quasiment la finale ou pas partout, là. C'est aussi. Ben, c'est tout ou rien. Tout ou rien. On sait que s'ils gagnent le championnat, Kawhi va rester à Toronto. Mm. Mais c'est pas fait encore. Et c'est sûr que si les Lakers vont chercher un Masai Ujiri qui a quand même développé une excellente relation avec Kawhi Leonard, ben si je suis dans la place des personnes qui pensent à business à Los Angeles, je me dis ben si on va chercher Masai, on a peut-être une petite chance d'aller chercher Kawhi. Mm. Mais si Kawhi suit pas Masai vaut la peine en tant que tel. Ouais, ouais. La rumeur est beaucoup plus que Kawhi va signer avec les Clippers. Parce que Kawhi veut être le joueur Puis Kawhi Leonard, c'est très difficile. On sait qu'Anthony Davis est prêt, lui, à aller jouer avec LeBron James. C'est le seul joueur de gros nom qu'on sait qui est prêt à aller jouer avec LeBron James. Mais tu sais, est-ce qu'on aurait une surprise de voir KD à Los Angeles? Kyrie Irving retourne à Los Angeles. Ouais. Mitchell Butler aller à Los Angeles. Ça va être intéressant de voir. La Nouvelle-Orléans, viennent d'engager Griffin, l'ancien directeur général des Cavaliers, à la Nouvelle-Orléans. Et lui, il a dit, je vais tout faire pour garder Anthony Davis à Nouvelle-Orléans. Fait que c'est pas... Il n'y a rien de fait pour les Lakers cet été. Mais là, j'ai vu passer qu'Anthony Davis, les Pelicans, s'essayaient de le renégocier. Bon, oui, c'est ça. David Griffin, ouais. L'ancien des Cavaliers, vient d'accepter le poste de DG, le président DG de... Mais Anthony Davis l'a dit que... Il peut garder Anthony Davis. Ouais. Mais je pense qu'Anthony Davis a fait son temps. Nouvelle-Orléans, lui, il veut partir. OK. Mais contractuellement, il est sous contrat pour une autre saison. OK. Pascal, gros merci. On s'en reparle jeudi ou vendredi prochain. Un plaisir, Daniel. Pascal Jobin, chroniqueur de la NBA.